got heat on the tracks. La routine du célibat m'a rentré dans un délire où je pensais même que mon cœur était mort. Mais là je reçois un snap d'une certaine Cathy qui me dit tu te rappelles qui je suis, si t'as oublié tranquille tu m'ignores. Je me suis réveillé choqué, comment je pourrais t'oublier. Je t'ai cherché depuis le lycée jusqu'à ce qu'on me dise que tu t'es marié. Elle me dit t'as pas bien cherché, t'es mauvais. Si tu m'avais trouvé peut-être qu'aujourd'hui on se serait marié. Mais aujourd'hui c'est trop tard, j'ai un homme, peut-être dans une autre vie, dans un autre monde. Je lui dis c'est jamais trop tard, on finira par se voir à ce moment-là, je ne donnerai pas cher de ton nom. Et même si je sais que t'es marié, qu'on ne devrait pas se parler, tu sais pas ce que tu veux, je le sens quand je t'entends parler. Laisse-moi te revoir si t'es sûr de ne pas tomber, je te montrerai bien plus que des mots. Ça t'effraie de savoir que si tu me revois, ta vie pourrait changer. Tu peux pas dire non, mais forcer le destin. Si tu croises mon chemin, ça va mal terminer. Et je veux que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas dire que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas dire que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas dire. Je sais que c'est pas comme ça. T'es marié, t'as déjà fait ton choix. Ne gâche pas tout juste pour un ami de longue date. Je ne dis pas que t'es malheureux, je dis que tu pourrais être plus heureux. Si pour toi je suis plus qu'un ami de longue date. Je te veux depuis que je t'ai connu, je sais même pas comment j'ai tenu. Je veux te voir sans retenue, sans témoin, sans ta tenue. J'ai du respect pour toi, j'ai besoin de toi. Je parle en connaissance de cause, j'ai essayé sans toi, tu le mérites. M'en veux pas de te donner ce que tu mérites, maman. Même si ce que je fais c'est mauvais, le passé je m'en débarrasse. Ce que t'as fait quand j'étais pas là, donc pour moi ça compte pas. Et même si je sais que t'es marié, qu'on ne devrait pas se parler, tu sais pas ce que tu veux, je le sens quand je t'entends parler. Laisse-moi te revoir si t'es sûr de ne pas tomber, je te montrerai bien plus que des mots. Ça t'effraie de savoir que si tu me revois, ta vie pourrait changer. Tu peux pas dire non, je vais forcer le destin. Si tu croises mon chemin, ça va mal terminer. Je veux que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas que tu l'oublies pour de bon. Tu veux pas dire. Ne te prends pas la tête, choisis avec ton cœur, pas avec ta tête. Ne te prends pas la tête, choisis avec ton cœur, pas avec ta tête. Ça t'effraie de savoir que si tu me revois, ta vie pourrait changer. Tu peux pas dire non, forcer le destin. Si tu croises mon chemin, ça va mal terminer. Je veux que tu l'oublies pour de bon. Je veux que tu l'oublies pour de bon. Tu peux pas dire l'oublie pour de bon. Fais faire en sorte que t'oublies pour de bon. Tu peux pas dire non. Et je veux que tu l'oublies.